الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله لقد اقترب منا موسم عظيم تتوجه فيه قلوب المؤمنين إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق هذا الموسم يا عباد الله وموسم الحج الحج الذي هو ركن الخامس من أركان الإسلام هذه العبادة لا فضائل كثيرة ومنافع عديدة عظيمة جدا منها أن الحج من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى مولانا جل في علا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله قال ثم أي قال جهاد في سبيل الله قال ثم أي قال حج المبرور حج مبرور رواه البخاري ومسلم ومن أعظم ما يطمع فيه الحاج المغفرة فهكذا الحج من أسباب تكفير الذنوب ومغفرة الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وهكذا في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله روى ابن خزيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة أو العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها أو كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم ومعنى المبرور على قول بعض أهل العلم الذي لم يحصل فيه معصية وكان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج من أكرم الناس إلى الله سبحانه وتعالى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علو منزلته عند الله تبارك وتعالى وذكر بأنه وفد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطوهم رواه البزار الحج سبب البركة في المال ودفع الفقر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحاج المبرور جزاء إلا الجنة أو ثواب إلا الجنة ليس للحجة المبرور المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي وإن سألت عما لك من خروجك من بيتك إلى خروجك من الحج فاسمع هذا الحديث العظيم المؤثر في جواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابيين رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم ثم قال يا رسول الله جئناك نسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت وإن شئتما أمسكت وتسألاني فعلت قال أخبرنا يا رسول الله فقال الثقافي للأنصاري سل فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيها أو وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة فقال هو الذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمدخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى رواه الطبراني وقال الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح الترغيب وحسن لغيره فهذا هو الجواب يا عباد الله هذه الأجور العظيمة والمنافع المباركة لمن وفق لأداء الحج أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للحج الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Se rapproche de nous un moment très attendu par l'ensemble des musulmans. Durant ce mois dans lequel nous allons bientôt entrer, il y a le pèlerinage, un des rites les plus sacrés, le cinquième pilier de l'islam. Le cœur de l'ensemble des musulmans durant ces jours se dirige vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala et le meilleur pays au monde, Mecca. Et ceux à qui Allah azza wa jal aura accordé son assistance et ses grâces accompliront le pèlerinage à la maison sacrée. Cette action comporte de nombreux bienfaits et de nombreux bénéfices pour le serviteur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Durant le prêche de la semaine passée, je vous ai cité le caractère obligatoire d'effectuer le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Et dans ce prêche, je vais vous citer quelques bienfaits afin qu'on se motive mutuellement dans l'accomplissement de cette obligation. Parmi les mérites de cette grande action, le fait que ce soit une des choses les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, et une des meilleures actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné en ces termes au messager d'Allah: quelle est la meilleure des actions? Il répondit: la foi en Allah et son messager. Croire en Allah et son messager. L'homme lui dit: après cela, au messager d'Allah. Il répondit: le combat dans le sentier d'Allah. Il lui dit alors: à nouveau, après cela, au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répond: le pèlerinage correctement accompli. Le pèlerinage correctement accompli. Voici une des choses les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui effectue le pèlerinage aura accompli une des actions les plus aimées de son Seigneur et de son Créateur, tabaraka wa ta'ala. Sachez également que la chose que recherche le plus le serviteur sans aucun doute, et le pèlerin plus particulièrement, est le pardon pour ses nombreux péchés. Et oh combien ils sont nombreux, qu'Allah nous les couvre et nous les pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui accomplit le pèlerinage en s'éloignant de son épouse ou en s'éloignant des turpitudes, puis ne commet pas de perversité, reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mise au monde, c'est-à-dire purifié de l'ensemble de ses péchés. Voici un des grands bienfaits du pèlerinage. Et dans l'histoire de la conversion à l'islam de Amr ibn al-As, lorsqu'il est venu, au moment de mourir, il s'est mis à pleurer. Puis il s'est rappelé cette histoire et il l'a raconté à ses compagnons en disant: lorsqu'Allah a illuminé mon cœur, je me suis dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam. Il a alors tendu sa main, j'ai tendu la mienne avant de me rétracter. C'est alors qu'il m'a dit: que se passe-t-il, ô Amr? Amr a répondu, donc il nous dit: j'ai répondu, j'ai envie d'émettre quelques conditions. Lesquelles? dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amr lui a dit, radiallahu anhu, qu'on me pardonne mes péchés passés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: n'as-tu pas su, ô Amr, que l'islam efface toutes les fautes passées? Celui qui se convertit à l'islam, qui entre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui efface tous ses péchés passés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ajouta: et que l'égir efface tout ce qui est passé avant. Et que le pèlerinage efface tous les péchés passés. Le pèlerinage correctement accompli efface tout ce qui est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un autre hadith: la umrah, le petit pèlerinage, ou d'un petit pèlerinage à un autre, on vous efface les péchés qu'il y a eu entre les deux. Et il n'y a pas de récompense autre pour celui qui effectue correctement le pèlerinage, sinon le paradis. c'est-à-dire celui qui effectue un pèlerinage en s'éloignant des péchés et en le faisant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, se verra accorder l'accès au paradis et il n'y aura pas de récompense en dessous de celle-ci pour lui. Le pèlerin est une personne qu'Allah aime, qu'Allah anoblit de par son action, qui a une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le pèlerin et ceux qui effectuent le petit pèlerinage sont les invités d'Allah, sont une délégation qui a été invitée par Allah. Il les a appelés et ils lui ont répondu. Il les a invités et ils lui ont répondu. Ils l'ont invoqué et il les a exaucés. Voici la place du pèlerin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage, contrairement à ce que pensent certaines personnes, n'est pas une cause d'appauvrissement, mais bien au contraire. Ça repousse la pauvreté. Et par cela, Allah Azza wa Jal met la bénédiction dans tes bienfaits, dans tes richesses, dans ton commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites suivre le pèlerinage de la Umrah. C'est-à-dire effectuer le pèlerinage, puis la Umrah, puis le pèlerinage, et ainsi de suite. Car ces deux choses-là repoussent la pauvreté et les péchés, tout comme le soufflet du forgeron purifie le fer, ou plutôt le cuivre, l'or et le fer. Et il n'y a pas de récompense pour le pèlerinage correctement accompli ou parfaitement accompli, si ce n'est le paradis. Voici certains des bienfaits du pèlerinage. Et il se peut que tu te questionnes et que tu te demandes quelles sont les récompenses concrètement lorsque je sors de chez moi, que je voyage pour me rendre à la Mecque, pour accomplir le pèlerinage. Informe-moi des récompenses en détail à partir du moment où je sors de chez moi jusqu'à la fin du pèlerinage. Et cette idée qui sommeille en toi a sommeillé dans le cœur de certains des compagnons. En effet, deux compagnons sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar radiallahu anhu nous dit, j'étais assis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le masjid de Mina. C'est alors que deux hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un de la tribu des Ansar et un autre de Saqif. Ils ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'ont dit au messager d'Allah, nous sommes venus t'interroger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si vous voulez, je vous informe des questions que vous avez à me poser. Et si vous voulez, je vous laisse m'interroger. Alors ils ont dit, informez-nous au messager d'Allah. Puis, l'homme de Saqif dit au Ansari, questionne le messager d'Allah. Alors il lui dit, informez-nous au messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les interrogations de ses compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es venu pour m'interroger sur la récompense qui te sera donnée à partir du moment où tu sors de chez toi pour te diriger vers la maison sacrée et toutes les récompenses que tu auras. Après avoir effectué le tawaf, les récompenses que tu auras. Après avoir effectué les deux unités de prière, les récompenses que tu auras. Après avoir parcouru entre les deux monts Safa et le Marwa, les récompenses que tu auras. Après avoir resté sur la station de Arafah, les récompenses que tu auras. Et lorsque tu jetteras des pierres sur les stèles, les récompenses que tu auras. Lorsque tu immoleras la bête le jour du sacrifice, les récompenses que tu auras. Jusqu'à l'Ifar. Alors l'homme s'est étonné et a dit, par celui qui t'a envoyé, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, c'est à ce sujet précisément que j'étais venu te questionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour répondre à ces questions, Sache que lorsque tu sors de chez toi et que tu montes sur ta monture, elle ne fait pas un pas. Elle ne lève pas une patte ni ne la repose sans que par cela te soit inscrit une bonne action et te soit effacée une mauvaise action. Puis, lorsque tu effectues 2 unités de prière, après avoir accompli la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba, on te pardonnera, ou tu auras la récompense comme si tu avais affranchi un esclave parmi les enfants d'Ismaïl. Concernant les allées entre Es-Safa et Marwa, tu auras la récompense comme celui qui avait affranchi 70 esclaves. Tu fais 7 allées entre Es-Safa et El-Marwa et on t'inscrit la récompense d'avoir affranchi 70 esclaves. Et quant à ta station, le jour de Arafah, sache que ce jour-là, Allah descend au ciel de ce bas monde et se vante de vous auprès de ses anges et dit: voici mes serviteurs, ils sont venus de toute contrée, tout ébouriffé, ils espèrent ma miséricorde, ils espèrent ma miséricorde. Sachez que si vos péchés étaient équivalents au nombre de grains de sable qu'il y a, ou bien au nombre de gouttes de la pluie, de pluie, ou à l'écume de la mer, j'aurais pardonné tout cela. Subhanallah. Si vos péchés étaient équivalents au nombre de grains de sable, au nombre de gouttes de pluie, aux composantes de l'écume de la mer, Allah subhanahu wa ta'ala dit: je vous aurais pardonné tout cela. Déferlez vers moi, ô serviteur d'Allah, vers un pardon pour vous et pour ceux envers qui ou pour qui vous aurez intercédé. En ce qui concerne le jet des pierres sur les stèles, pour chaque pierre que tu jetteras, on te pardonnera un des péchés graves. Pour chaque pierre que tu jetteras, on te pardonnera un péché grave. Et il y a 3 stèles, et on en jette 7 sur chacune d'elles, ou plutôt sur la première, et le lendemain sur la deuxième, et ainsi de suite. Concernant le sacrifice, cette récompense est cachée, cachetée et préservée auprès d'Allah. En ce qui concerne le rasage de la tête, pour chaque cheveu que tu raseras, on t'accordera une bonne action et t'effacera un péché. Puis, le tawaf autour de la maison sacrée que tu accomplis à la fin, sache que tu accomplis ce tawaf, cette circumambulation, tu tournes autour de la Kaaba et il ne te reste plus aucun péché. Et il ne te reste plus aucun péché. Au point où un ange vient et pose ses mains entre tes épaules et te dit: agis pour ton futur. Et concernant le passé, tout a été pardonné. Agis concernant ton futur et concernant ton passé, tout a été pardonné. Voici, chers frères, la réponse à cette grande question. Après avoir entendu tous ces textes, il ne convient pas à un homme qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime Allah tabaraka wa ta'ala et qui espère sa rencontre dans l'au-delà, de retarder le pèlerinage alors qu'il en a la capacité. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous recherchons l'aide afin de pouvoir accomplir le pèlerinage cette année et de nombreuses fois encore. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم يا ربنا تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا كلها انك انت الغفار الرحيم اللهم يا جبار Ya Aziz, Ya Qawi, idfa' anna wa 'anil muslimin, wansur al-mustad'afin fi kulli balad wa fi kulli makan, fi Filistin wa fi jami'i biladika ya Rabb al-'alamin. Allahumma ighfir li abaina, واغفر لأمهاتنا واغفر لأمهاتنا واغفر لأمهاتنا اللهم تب عليها اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة